X de Patrick Penaud. Ce n'est pas encore la paix, mais ce n'est plus la guerre. Je veux parler de la situation de l'Irlande du Nord, où, après la signature des accords dits du Vendredi Saint en 1998, les communautés protestantes et catholiques semblent avoir à peu près renoncé à la violence. Mais, même si la peur a reculé, les facteurs de tension demeurent. Les dernières élections l'ont montré clairement. Les deux partis campent sur leur position. Et la coexistence est toujours aussi fragile. De part et d'autre, des groupes paramilitaires gardent l'arme au pied, illuminés orangistes ou extrémistes de l'IRA réel, qui rêvent d'en découdre à nouveau malgré les horreurs d'une sale guerre qui a duré presque 4 décennies. Il y a surtout le fait que la plupart des causes du conflit n'ont pas été résolues. Par exemple, les inégalités sociales et économiques, l'apartheid religieux, ou encore l'existence d'une police locale qui reste majoritairement protestante. Toutefois, cette PRM a permis de commencer à mettre en lumière les méthodes utilisées par les autorités britanniques pour lutter contre l'IRA. Et un rapport établi par un des chefs de Scotland Yard et publié l'an dernier a fait l'effet d'une véritable bombe. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. Avant de commencer la diffusion de ce nouvel entretien, je voulais simplement citer un bon connaisseur de ce dossier, le journaliste Roger Faligo, qui a écrit dans l'un de ses ouvrages que l'Irlande avait été utilisée comme un terrain d'expérience par l'armée britannique en liaison avec l'OTAN. Le commandement militaire et les gouvernements successifs de la Grande-Bretagne, écrit-il encore, ont transformé l'Irlande en vaste laboratoire de la répression et sa minorité catholique du Nord en cobaye. X. La question irlandaise empoisonne la Grande-Bretagne depuis des siècles. Depuis le début de la colonisation. Oui, alors sans remonter trop loin, arrêtons-nous un instant sur une date clé, 1921. Après avoir subi de rudes coups de la résistance irlandaise... L'IRA, déjà, oui. Donc la Grande-Bretagne se résigne à donner son indépendance à l'Irlande. À l'exception toutefois de 6 comtés du Nord qui vont former l'Ulster, l'Irlande du Nord. Mmh. Des comtés majoritairement peuplés de protestants. Alors que les Irlandais, on le sait, sont généralement catholiques. Bien sûr. Une partition que les militants de l'IRA, armée républicaine irlandaise, n'admettront jamais. Mais c'est à partir des années 60 que les choses vont s'animer. À partir de revendications nationalistes. Non, pas seulement. Hein. Les catholiques se plaignent, non sans raison, d'être victimes de discrimination. Bref. Non seulement ils sont colonisés, mais ils ont le sentiment d'être considérés comme des sous-citoyens. Et tout ça débouche sur de nombreuses manifestations qui sont brutalement réprimées. En outre, ces revendications, bientôt appuyées par des attentats, déclenchent la colère des protestants qui affichent haut et fort leur attachement au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle les orangistes. Oui, par référence au roi Guillaume d'Orange qui, en vainquant le catholique Jacques II, a assuré du même coup le triomphe des colons protestants en Irlande. Vous le savez... Tous les ans, les orangistes célèbrent bruyamment leur victoire sur les catholiques. En défilant même dans les quartiers catholiques. Et naturellement, ces défilés d'un autre âge ressemblent à autant de provocations. Mais si vous voulez bien, je poursuis. Mm-hmm. Tout au long des années 70, la violence va aller en empirant. Les deux communautés s'affrontent régulièrement et Londres doit envoyer des troupes. Une intervention musclée est souvent partiale. C'est-à-dire en faveur des protestants? Les loyalistes ou unionistes, comme on les appelle aussi, par opposition aux catholiques républicains. Oui, l'armée britannique est là non seulement pour ramener le calme, mais pour venir à bout de l'IRA qui est soupçonné, non sans raison, d'orchestrer l'agitation. Et bientôt, le sang coule. À Derry, un dimanche de janvier 1972, l'armée britannique tire sur la foule. Il y aura plus d'une dizaine de morts. Oui, c'est ce qu'on a appelé le Bloody Sunday. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, il est établi que la foule catholique était désarmée et que les paras ont tué délibérément. La riposte ne tardera pas. 6 mois plus tard, l'IRA fait simultanément sauter une 20aine de bombes à Belfast qui provoqueront là encore 10aine de victimes. Désormais, les affrontements intercommunautaires ne cesseront plus. D'un côté, les protestants et leurs milices paramilitaires, qui sont autant d'organisations d'assassins... Et de l'autre, l'IRA, j'imagine. ...qui perpétuent les attentats aveugles et qui recourent, elles aussi, à l'assassinat. Mmh. Et puis, il y a l'armée, les services spéciaux britanniques et surtout la police nord-irlandaise, le RUC, Royal Ulster Constabulary, essentiellement composé de protestants. Une police qui bafoue régulièrement la loi et les droits de l'homme et n'hésite pas à pratiquer la torture. Ça atteindra même de telles proportions que la Grande-Bretagne sera condamnée par la Commission européenne des droits de l'homme. Oui, eux, et puis il y aura les grèves de la faim des prisonniers de l'Irak. Oui, enfin, personne n'a oublié le nom de Bobby Sands, que l'inflexible Margaret Thatcher laissera mourir dans sa prison. Il faudra encore ajouter que l'IRA ne présente pas un front uni. Des organisations dissidentes, encore plus extrémistes, voient le jour. Ouais. Bref, une situation inextricable. Oui, jusqu'aux accords du Vendredi Saint en 1998, des accords qui seront ensuite approuvés par référendum. Oui, des accords entre les représentants de l'IRA et les unionistes. Non, en tous les cas, les plus modérés d'entre eux. Ouais. Tandis que l'IRA est représenté par sa vitrine légale, le Sinn Féin. Mais le gouvernement issu de cette consultation populaire se montrera bientôt incapable d'agir. Et Londres devra reprendre les rênes du pouvoir. Oui, parce que les extrémistes des deux camps n'ont pas renoncé. Évidemment. Après la signature de ces accords, qui vaudront à leurs promoteurs, Gerry Adams et David Trimble, le prix Nobel de la paix, assassinats et attentats continuent. Et c'est là que je veux en venir. Parce que peu à peu, on va découvrir ce que dissimulait, et dissimule encore, malheureusement, cette sale guerre. C'est-à-dire la sale guerre. L'utilisation des méthodes les plus condamnables par les différents gouvernements britanniques qui se sont succédés ces dernières années. C'est assez effrayant, parce que c'est une grande démocratie qui a permis qu'on en vienne là. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas le lot de tous les conflits de libération nationale où les revendications se traduisent par des actes de terrorisme? Sans doute. Et nous, Français, nous n'avons pas de leçons à donner. Pensez à la guerre d'Algérie. Naturellement. Alors, si vous voulez bien, voyons ça dans le détail. Mm-hmm. Donc, dans les années 60, le nationalisme irlandais se réveille. Ouais, mais avait-il jamais été vraiment endormi? Non, non. La vieille IRA, celle qui avait contraint la Grande-Bretagne à accorder son indépendance à la plus grande partie de l'Irlande, n'avait jamais désarmé. Mais les années 60 sont aussi les années qui voient le succès des luttes de libération nationale dans le monde entier. L'Irlande du Nord pouvait difficilement échapper à cette contagion. D'autant, enfin, vous me l'avez dit là, que les catholiques irlandais s'estimaient victimes de nombreuses discriminations. Et essentiellement des discriminations sociales et économiques, oui. Le chômage touchait déjà beaucoup plus durement les catholiques, par exemple. En outre, et il faut souligner ce point car il est essentiel, les deux communautés vivent côte à côte mais sans jamais se pénétrer. Quand on est catholique, on va dans une école catholique, on vit dans un quartier peuplé majoritairement de catholiques, et on évite soigneusement de se rendre chez les protestants. Chez l'ennemi, en somme. Oui, et sans exagérer, on peut parler de conduite tribale. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est pareil. Pour les protestants, les papistes sont directement inspirés par le diable. Et on en est resté à l'époque de la Saint-Barthélemy. Oh, à peu près, oui. Ouais. Même si c'est difficile à imaginer aujourd'hui dans notre Europe pacifiée et laïque. Le terreau était donc presque naturellement explosif. Et l'affrontement presque inévitable. Malheureusement. Et la Grande-Bretagne, dans sa lutte contre le terrorisme de l'IRA, va exacerber les tensions entre ces deux communautés naturellement hostiles. Et pas bien. Une exacerbation volontaire, intentionnée Je le pense, oui. Parce que le gouvernement britannique avait besoin des protestants pour lutter contre les indépendantistes de l'Ulster. Donc Londres a encouragé secrètement la création des milices paramilitaires protestantes. Ouais. Je ne veux pas faire de comparaison abusive, mais au fond, c'est comme si le gouvernement français avait encouragé les pieds noirs à s'armer pour lutter contre la FLN. C'est un petit peu ça, oui. Mais vous avez dit secrètement. Bien entendu. Il ne pouvait pas en être autrement, parce que ces milices qui vont commettre des dizaines d'assassinats et dont l'idéologie sera souvent proche de l'extrême droite, ne pouvaient pas être ouvertement soutenues par les autorités britanniques. Et on a la preuve de cette collusion? Ah, parfaitement. Un grand flic britannique, John Stevens, sans doute le policier le plus respecté de Grande-Bretagne, a enquêté de longues années sur ce dossier. Une enquête difficile, car ses collègues nord-irlandais n'étaient guère pressés de répondre à ces questions. Et en 1990, je crois, ses archives ont brûlé dans un incendie. Un incendie volontaire. Bien sûr. Et certainement aussi une opération d'intimidation. Le rapport de Stevens, publié en 2003, est accablant pour la police de l'Ulster et certains services de l'armée britannique. Et encore, Stevens n'a-t-il rendu public qu'une toute petite partie de son rapport? Prenons un exemple, celui de l'assassinat de Pat Finnegan. Qui est-ce? Un avocat. Un catholique? Oui. Finnegan avait été le défenseur de plusieurs membres de l'IRA. Un défenseur talentueux, d'ailleurs. Et à ce titre, il gênait car il avait obtenu nombre de succès et mis en lumière les sales méthodes utilisées par la police et l'armée. Oui. Il est donc éliminé, c'est ça? C'est ça, oui. Avocat de terroriste, il ne pouvait être qu'un sympathisant des terroristes. C'est aussi simple que ça. Et un soir, alors qu'il dînait en famille, un commando a fait irruption chez lui et l'a abattu devant sa femme et ses enfants. Et peu après, une milice paramilitaire, l'UDA, c'est-à-dire l'Association pour la Défense de l'Ulster, a revendiqué cette exécution. Mais c'est ce que Stevens a établi, les assassins avaient parti lié avec la police de l'Ulster. Rendez-vous avec X. John Stevens n'a pas été le premier à mettre en cause officiellement la police de l'Ulster dans l'assassinat de Pat Finucane. En 1998, un rapport officiel de l'ONU aboutit aux mêmes conclusions. Voici par exemple ce que je lis dans le journal Libération du 2 avril 1998. Dans un rapport rendu public hier, l'investigation des Nations Unies menée par un juriste malaisien, Param Kumaraswamy, demande notamment que soit examiné le rôle du RUC, la police, dans l'assassinat d'un avocat catholique de Belfast, Pat Finucane, en 1989. L'ONU accuse aussi la police nord-irlandaise, formée à 90% de protestants, d'intimider les défenseurs des accusés, notamment républicains. Le rapporteur écrit que le RUC identifie les avocats avec leurs clients ou avec la cause de leurs clients afin de compromettre leur rôle. Ces attitudes, qui se poursuivent encore aujourd'hui, passent, selon l'ONU, par des menaces et harcèlements divers. Le rapporteur demande ainsi que la lumière soit faite sur l'assassinat de Pat Finucane, tué par balle devant chez lui. Son meurtre avait été revendiqué par un groupe paramilitaire protestant, mais aucun suspect n'a jamais été arrêté. Il apparaît aujourd'hui que ces assassins avaient été manipulés par un informateur de l'armée britannique infiltré chez les loyalistes. Cet homme, ancien soldat de l'armée britannique, selon des documents publiés ce week-end par le Sunday Telegraph, orientait les tueurs vers des cibles choisies par les services secrets de l'armée en conjonction avec la police. Donc, si je vous ai bien suivi, les paramilitaires faisaient le sale boulot à la place des policiers. Et des militaires. Parce qu'il était évident que des services officiels ne pouvaient pas assumer une telle justice expéditive, surtout après l'affaire de Gibraltar. À Gibraltar, alors, rappelez-moi. C'était juste un an avant l'assassinat de Pat Finucane. Des militaires britanniques, des forces spéciales, avaient tendu une embuscade à un commando de 3 militants de l'IRA et les avaient froidement abattus. Alors que, on l'a su après, ces 3 militants dont une jeune femme n'était pas armée. Ouais, c'est une exécution sommaire. Incontestablement. Mais attendez, quand même, est-ce que ce commando de l'IRA a été impliqué dans des actions terroristes ou allait-on quand même? Certainement. Un des membres du commando avait loué une voiture dans laquelle on a retrouvé des explosifs. Donc ils avaient l'intention de commettre un attentat. Certainement. Mais ça ne justifie en aucun cas cette justice expéditive. Si les Britanniques les avaient identifiés, ils pouvaient très bien les arrêter au lieu de les tuer froidement. En tout cas, cette affaire a fait beaucoup de bruit et aussi fait couler beaucoup de sang. Lors des funérailles, un extrémiste protestant a ouvert le feu sur la foule, tuant 3 catholiques. Et peu après, en représailles, 2 policiers nord-irlandais ont été lynchés. Oui, joli résultat, en effet. Ah ben, j'ajoute que pour cette affaire, la Grande-Bretagne a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et a payé des dommages aux familles des 3 de Gibraltar. Donc, pour répondre à votre question, oui, les paramilitaires protestants accomplissaient les sales besognes et éliminaient les cibles qu'on leur désignait. Et alors, on sait qui hein? Les services secrets britanniques. Le MI5, par exemple, ou encore la branche spéciale de la police nord-irlandaise chargée du renseignement. Ça signifie naturellement que ces assassins pouvaient agir en totale impunité, car les enquêtes étaient rapidement étouffées. Mais je reviens à Pat Finucane, dont le cas est décidément exemplaire. Cet avocat, je vous l'ai dit, avait obtenu de nombreux succès en défendant des militants de l'IRA, ou des gens simplement soupçonnés de faire partie de l'organisation terroriste. Mais ce n'était pas tout. C'est-à-dire ? Finucane avait 3 frères. L'un, un authentique membre de l'IRA, avait trouvé la mort dans un accident de voiture alors qu'il effectuait une mission pour l'IRA. Une mort vraiment accidentelle ? Franchement, je ne sais pas. Un autre de ses frères, recherché par la police, avait trouvé refuge en Irlande. Et un troisième était fiancé à la jeune femme abattue à Gibraltar. Vous voyez donc que Finucane avait tout pour s'attirer l'inimitié de la police et aussi des paramilitaires protestants. Comme beaucoup d'autres militants qui vont tomber sous les balles de ces assassins. Et pour être tout à fait honnête, il faut dire que les gens de l'IRA riposteront avec les mêmes méthodes. La violence est des deux côtés. Certainement, hein, oui. Il y a quand même une différence fondamentale. D'un côté, il y a un mouvement qui a choisi la lutte terroriste dans un but politique, Et bien entendu, je n'approuve pas, mais de l'autre côté, il y a un gouvernement démocratique qui utilise les mêmes armes. Et ça, c'est particulièrement grave. Mais pourquoi aller jusqu'au fond de votre pensée, là? Eh bien parce que c'est la négation de la justice. Parce que c'est un système susceptible de corrompre les institutions et le droit. Et on en a eu maintes preuves. Jusqu'à maintenant, je vous ai essentiellement parlé de la police nord-irlandaise qui a utilisé des méthodes que les généraux argentins ou chiliens n'auraient pas reniées. Mais le poison a aussi gagné la police métropolitaine. Il faut m'expliquer, là. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire des six de Birmingham? Oui, six présumés militants de l'IRA accusés à tort d'avoir perpétré des attentats. Oui, c'est ça. Mmh. On leur a attribué la responsabilité de quelques 20 morts. Ouais, ils ont passé de nombreuses années en prison. Ouais, plus de 15 ans, je crois. Et à l'occasion de leur libération, au début des années 90, on a eu un aperçu peu flatteur des méthodes de la police britannique. Intimidation, coups, privation de sommeil et de nourriture. Ouais, pour obtenir des aveux. Bien sûr, puisque les policiers ne disposaient d'aucune preuve contre ces six hommes. Mais il y a eu d'autres cas, peut-être encore plus préoccupants. Ceux qu'on a appelés les quatre de Guildford, par exemple. Eux aussi ont passé une bonne quinzaine d'années en prison. Non seulement leurs aveux leur ont été estorqués dans les mêmes conditions... Les aveux sur lesquels ils sont ensuite revenus. Oui, oui, naturellement, oui. Mais dans leur cas, les policiers du Surrey ont produit lors du procès des procès-verbaux falsifiés. Ce qui est quand même excessivement grave. Ah, et surtout dans un pays très fier de sa police. Mais la perversion, car c'en est bien une, a aussi touché d'autres secteurs. L'armée, bien sûr. Et surtout les forces spéciales chargées de lutter contre l'IRA sur le terrain en Irlande du Nord. Ainsi, deux militaires convaincus de meurtre, non seulement n'ont pas été poursuivis par la justice, mais ils ont été autorisés à rester dans l'armée. Et puis, il faudrait aussi parler du FRU. Qu'est-ce que c'est, ça? Cet acronyme désigne une unité ultra-secrète des services de renseignement de l'armée. Elle a longtemps été dirigée par un certain Gordon Kerr, un officier qui a été promu général et qui a été opportunément nommé à l'ambassade britannique de Pékin. Pourquoi opportunément, là? Ben parce qu'un jour ou l'autre, il se pourrait bien que ce général fasse l'objet de poursuites judiciaires. Mmh. Mais quelle était la mission de ce... FRU, c'est ça? FRU. Ben, le recrutement d'informateurs parmi la population nord-irlandaise. Des informateurs chargés justement de désigner aux assassins des cibles catholiques présumées appartenir à l'IRA. Mmh, comme dans l'affaire Feinuken. Exactement. Mmh. Et on a commencé à y voir un tout petit peu plus clair, toujours grâce à ce policier John Stevens. Et cela, dès le début des années 90. Son enquête lui a permis de mettre en lumière les curieuses activités d'un nommé Brian Nelson. Et qui c'était celui-là? C'était un loyaliste, membre de l'association de défense de l'Ulster, dont je vous ai déjà parlé. Nelson avait été recruté directement par le FRU de Gordon Kerr. Et son boulot, si je puis parler ainsi, c'était de faire des listes de types à éliminer. Arrêté, puis jugé en 1992, Brian Nelson a été impliqué dans l'assassinat d'une bonne trentaine de catholiques. Pourtant, il ne restera que 5 ans en prison. Ça, c'est fort peu payé. N'est-ce pas? Il faut d'ailleurs noter que dans le même temps, toujours au début des années 90, la justice britannique s'acharnera contre la chaîne de télévision Channel 4, accusée d'avoir produit un documentaire révélant la collusion entre la police de l'Ulster et les groupes paramilitaires responsables d'assassinats de catholiques. C'est allé très loin, car le parquet a exigé de la chaîne qu'elle livre ses sources. Ouais, j'imagine que les journalistes ont dû refuser. Bien entendu. Alors le parquet a accompagné cette injonction d'une menace de mise sous séquestre judiciaire. Ça montre bien que le gouvernement britannique conservateur était très chatouilleux dès qu'on abordait cette délicate affaire. Quoi, la peur du scandale? Bien évidemment. À côté, le scandale du Watergate qui avait obligé Richard Nixon à démissionner, ce n'était rien. Or, au début des années 90, le premier ministre conservateur, John Major, était bien obligé de couvrir cette sinistre politique de collusion avec les terroristes protestants, mise en œuvre essentiellement par Margaret Thatcher. Une politique d'ailleurs sans issue. Oui, parce que les assassinats répondaient aux assassinats. Oui, cela retardait d'autant le jour où il faudrait bien que les uns et les autres s'assoient à une table de négociation. Mais les forces britanniques ne se sont pas contentées d'utiliser ces sales méthodes. Ils ont aussi recruté des taupes. Et aujourd'hui encore, les indépendantistes irlandais n'en ont pas fini avec ces traîtres qui auraient infiltré leur rang au plus haut niveau. Rendez-vous avec X. J'ai trouvé, dans le livre de Roger Faligo, La résistance irlandaise, un aspect inattendu de la lutte engagée entre les Britanniques et l'IRA. Je le cite. Dans la soirée du samedi 31 octobre 1992, la brigade de Belfast de l'IRA entame une opération échelonnée sur 4 jours visant à démanteler le trafic de drogue dans la grande ville nordiste. Près d'une centaine de volontaires a été mobilisée et un nombre presque égal de lieux visités. Plusieurs trafiquants sont blessés. Et le plus important, déjà condamné en Angleterre pour trafic de drogue, Sammy Ward, est abattu. Il avait récemment rejoint un petit groupe dissident, décrit aussi bien par l'IRA que par les services de sécurité anglais comme un repère de dealers. C'est la première fois qu'une opération d'une telle ampleur est organisée par les Républicains et s'inspire du nettoyage de la Casbah à Alger par le FLN pendant la guerre d'indépendance algérienne. Ils expliquent la prolifération de l'usage de la drogue par le laxisme de la police. Il s'agit même, selon l'IRA, d'un plan concerté des services spéciaux pour laisser cette forme de criminalité prospérer afin d'affaiblir la solidarité dans les ghettos, d'augmenter l'état de dépression de nombreux nationalistes et surtout favoriser le recrutement de mouchards parmi les jeunes que l'on peut faire chanter une fois qu'ils sont arrêtés pour usage de stupéfiants. Le livre de Roger Faligot a été publié aux éditions Terre de Brume. D'une façon très curieuse, les révélations se sont multipliées assez récemment sur d'éventuelles infiltrations de l'IRA par les services britanniques. Et pourquoi vous trouvez ça curieux ? Bon, on en reparlera si vous voulez bien, mais voyons ça de plus près. Au départ de toute cette affaire, il y a un mystérieux agent double, un homme qui se fait appeler Kevin Fulton. Un pseudonyme ? Oui. Fulton était très bavard. Il écrit aux journaux et même au Premier ministre, Tony Blair. Mais qui crée-t-il alors ? Bah, lui aussi accuse les autorités britanniques d'avoir couvert et même encouragé les terroristes protestants. Et il donne en particulier une information très inquiétante. En août 1998, un attentat perpétré par une branche dissidente de l'IRA a provoqué la mort d'une trentaine de personnes. Visiblement, ces dissidents voulaient ruiner le processus de paix qui était en marche. Or, selon Fulton, la police nord-irlandaise savait que cet attentat était en préparation. Et comment pouvait-il en être aussi sûr, lui ? Non, mais parce que c'était lui qui avait averti la police. Ah non, lui, l'agent double infiltré. C'est ça. Ouais. Or, la police n'a rien fait pour prévenir cet attentat. Et effectivement, les investigations entreprises après ces révélations confirmeront les accusations de Fulton. Donc, on a tout lieu de penser que cet homme est sérieux et dispose d'informations précises. Oui, mais enfin, pourquoi se met-il à parler, là ? Ah ben, Fulton entend exercer une sorte de chantage sur le gouvernement britannique. Il estime que les promesses qu'on lui a faites n'ont pas été tenues. C'est-à-dire, promesses, là ? Et agent double à la retraite et en danger, Fulton aurait reçu l'assurance d'être protégé. Nouvelle identité, indemnité, lui permettant de changer de vie, etc. Bref, tout ce qu'on offre à, d'habitude à un défecteur susceptible de subir la vengeance de l'organisation qui l'a trahi. Oui, l'IRA, en l'occurrence. Oui. Et le gouvernement n'aurait donc pas respecté ses engagements. C'est ça. Et Fulton menace Londres de faire d'autres révélations. Car, affirme-t-il, d'autres agents doubles ont été semblablement lâchés par les autorités britanniques. Et il commence à donner des noms. Mmh. Avant de poursuivre, quand même, un mot, peut-être, sur le pédigré de ce Fulton. Volontiers, oui. Ce catholique d'une quarantaine d'années se serait engagé très jeune dans l'armée. C'est là qu'il aurait été recruté par le RUC, la police nord-irlandaise, qui lui demande de chercher à intégrer les rangs de l'IRA. Et pour arriver à ses fins, il commet un vol important au profit de l'organisation terroriste. Ça lui vaut 1 an de prison. Oui, mais aussi son incorporation au sein de l'IRA. Eh oui, il est intégré dans le service de sécurité et se spécialise dans la fabrication des bombes. Et pendant tout ce temps, il joue son rôle de taupe et donne aussi des informations à la police. Bien sûr. Le RUC, là, vous les russez, comme vous voulez. Mais pour donner le change, il participe activement à certaines actions violentes de l'IRA. Au milieu des années 90, il se serait séparé à la fois de l'IRA et des services britanniques. Mais malgré ses demandes répétées, il n'aurait pas bénéficié des mesures de protection qu'il réclamait. D'où son chantage. Car il le dit crûment. Au fond, si l'IRA parvenait à l'assassiner, ça arrangerait beaucoup de monde. Et d'abord, le gouvernement qui a tout à craindre de ces révélations. Naturellement. Et Fulton de dénoncer un homme qui aurait été chargé de le liquider. Un agent double, lui aussi, un certain Scapatici, qu'on a affublé d'un pseudonyme particulièrement évocateur, Steak Knife, c'est-à-dire couteau de boucher. Oui, ça, c'est en effet très clair. Bon, alors, intéressons-nous un instant à ce Scapatici. D'après Fulton, cet homme aurait été la taupe la plus éminente des services britanniques au sein de l'IRA. Un type si important qu'il aurait reçu de Londres un salaire de ministre, un salaire viré sur un compte à l'étranger, bien sûr. Je remarque que vous employez toujours le conditionnel. Bah oui, parce que tout cela est extrêmement bizarre. Enfin, poursuivons néanmoins. Scapaticci, donc, petit-fils d'immigrants calabrais, se serait engagé très tôt dans les rangs de l'IRA. Simple ouvrier du bâtiment, il aurait rapidement progressé à l'intérieur de l'organisation terroriste. Détail intéressant, il aurait fait 2 séjours en prison. Séjours au cours desquels il aurait côtoyé Jerry Adams, l'un des chefs de l'IRA. Les futurs négociateurs des accords de paix, oui, faudra bien. Oui. Et pourquoi insistez-vous sur ce point? Parce que c'est peut-être une des clés de cette affaire. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Et quand ce Scapaticci aurait-il été recruté par les services britanniques? Ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Scapaticci grimpe donc dans la hiérarchie de l'IRA. Et à cause de ses talents très particuliers, il devient même l'un des responsables de la sécurité intérieure de l'organisation. Ces talents très particuliers, là, qu'est-ce que vous voulez dire? Scapaticci était un spécialiste d'interrogatoire musclé. La torture, quoi. La torture, oui. Il est donc chargé de traquer les mouchards et les taupes. Alors même qu'il est une taupe. Oui, mais enfin, notez bien que ses fonctions au sein de l'IRA étaient idéales. Personne ne surveillait le surveillant. Il pouvait donc trahir sans risque. Et tout en désignant certains de ses camarades de combat à la vindicte des paramilitaires protestants, il aurait fait échouer plusieurs opérations importantes de l'IRA. On prétend même que c'est lui qui serait à l'origine de la liquidation du commando de Gibraltar. Les trois. Oui, oui. Il aurait aussi permis, dit-on, l'arraisonnement d'un bateau de l'IRA chargé d'armes libyennes. Ouais, je me souviens. Et personne ne le soupçonne. Apparemment pas, non. Et les Britanniques font tout pour protéger leurs taupes. Un seul exemple, mais il est spectaculaire. À la fin des années 80, la réputation de Steak Knife vient aux oreilles de quelques dirigeants des paramilitaires protestants. La réputation, c'est-à-dire? Sa réputation de chasseur de taupes et de dirigeant éminent de l'IRA. Il est donc décidé de l'éliminer. Oui, parce que c'est un peu compliqué. Parce que ces protestants ne savent pas qu'en réalité, il est de leur côté. Forcément. L'appartenance de Scapaticci au service britannique devait rester secrète. Alors, pour le protéger, on a inventé un faux Steak Knife. Un brave chauffeur de taxi d'origine italienne qui avait des sympathies pour le mouvement nationaliste irlandais. Et il a été exécuté en lieu et place de Scapaticci par un commando des paramilitaires. C'est vous dire l'importance de la taupe aux yeux des Britanniques. Toujours selon Fulton, évidemment. Parce que vous, vous avez des doutes. Oui, mais encore un petit peu de patience. Dès que Fulton révèle ce qu'il sait de Scapaticci, la presse se précipite sur cette histoire. L'existence d'une taupe au plus haut niveau de l'IRA, ce n'est pas rien. Et puis il y a le personnage lui-même. Ouais, Steak Knife, couteau de boucher... Un homme à qui on attribue la responsabilité de plusieurs dizaines de meurtres, des militants de l'IRA qui l'auraient donné, mais aussi des vraies taupes qui l'auraient fait assassiner. Du jour au lendemain, cet inconnu accède à la célébrité. La presse publie même des photos de lui, celles d'un petit homme râblé aux yeux charbonneux sous d'épais sourcils. Bref, un visage de tueur. Et d'où viennent ces photos? Mystère. En tout cas, tout de suite après ces révélations, Scapaticci disparaît. Pas très longtemps. Mais déjà, on murmure qu'il a trouvé refuge près de ses employeurs britanniques. Oui, ça, c'est assez logique. Oui. Mais le problème, c'est qu'il réapparaît, qu'il n'a nullement l'air d'être un homme qui craint à tout moment d'être abattu par l'organisation qu'il a trahi. Il vit même à Belfast, dans un quartier qui abrite des figures importantes de l'IRA. Il faut expliquer, Écoutez, je crois qu'il y a derrière toute cette affaire une manipulation. Les services britanniques, gravement compromis à la suite de la publication du rapport de John Stevens, ont essayé d'allumer un contre-feu en prenant eux-mêmes l'initiative de dénoncer des taupes, ou prétendument taupes, infiltrées à l'intérieur de l'IRA. Alors les révélations là, de ce Fulton n'en seraient pas vraiment? C'est très possible. N'oubliez pas que personne ne sait qui est ce Fulton. Alors, comme toujours dans ce genre d'affaires, on a mélangé de vraies informations avec des allégations imaginaires. Scapaticci, par exemple. Il est certain qu'il a eu partie liée à un moment de sa vie avec l'IRA. Mais était-il réellement ce chasseur de taupes impitoyable qui était lui-même une taupe? On peut en douter. Vous avez parlé de contre-feu, alors, mais dans quel but? Je pense que les services britanniques, et peut-être même le gouvernement de Tony Blair, ont voulu déstabiliser la direction de l'IRA et sa vitrine politique, le Sinn Féin. En montrant que l'organisation indépendantiste était peu fiable. Et que même certains de leurs dirigeants étaient compromis avec des taupes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Scapaticci aurait été proche de Jerry Adams, dont il aurait partagé la cellule. Le journal Libération a publié une enquête sur Scapaticci. J'en extrais ces quelques lignes. À peine divulguées, le mystère s'épaissit. quand l'affaire éclate, les médias annoncent que Scapaticci a pris la fuite pour ne pas finir avec une balle dans la tête, le sort réservé aux traîtres. Citant des sources de sécurité, certains affirment qu'il se cache en Angleterre dans une base militaire. 3 jours après, il réapparaît avec un avocat, Belfast West, en plein bastion de l'IRA. Sur la BBC et dans un hebdomadaire républicain, Anderson Town News, il clame son innocence. La barbe de 3 jours, les traits tirés, il dit n'avoir jamais quitté la province, ne plus exercer d'activité dans le mouvement républicain depuis 13 ans et avoir déserté sa maison pour échapper aux reporters et non aux tueurs. Robin Livingstone, le rédacteur en chef d'Anderson Town News, lui accorde le bénéfice du doute. « Je le connaissais, comme d'autres gens dans le journal, il m'a parlé très franchement, tout ça pue. » Une ligne adoptée par la direction républicaine. Ces accusations ont été lancées par des sécurocrates britanniques dans le but de nous affaiblir et de déstabiliser le processus de paix, s'écrit Jerry Kelly, un responsable du Sinn Féin. Scapaticci était un inconnu. Du jour au lendemain, son visage s'étalait à la une des journaux. Les photos ont dû être fournies avec le reste. Des éléments d'information qui collent avec la thèse de M. X. À samedi prochain, et je vous rappelle que notre site franceinter.com vous permet de réécouter cette émission.